Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Ménopause pour tout le monde, une série de Perrine Kervran réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a la fameuse horloge biologique et la peur, le dégoût ou la romantisation de ce qui n'est qu'une étape parmi d'autres et qui nous confronte tous, hommes et femmes, à la question des hormones. Alors pour commencer, les personnages. 3 bédéastes face à la cinquantaine, un anthropologue qui s'interroge, 2 andrologues qui expliquent, un sociologue qui démystifie, 2 gynécologues à qui on ne la fait pas, une autrice qui espère et des sociologues lucides. Ensuite, le décor. Une bande dessinée, la crise de la cinquantaine, le Dala, des hormones, des petites dépressions, mai 68, la libération sexuelle, l'injonction à la sexualité et des fantasmes. Aujourd'hui, 3e épisode, on tente de se connecter. Hello, my Minnow students. Welcome back. It's time for another menopause tutorial. Moi, je viens juste de comprendre que je peux brancher le casque sur l'ordinateur. C'est ça. Le retour du son. Oui. Voilà, ouais, c'est ça. Oh là, ça marche très bien. C'est un gars qui fait le constat qu'il arrive à 50 ans, qu'il est plus très jeune, qu'il a plus son boulot, qu'il a plus ses enfants, qu'il a plus de motivation. Il sait pas où en est son couple parce que sa femme travaille à l'étranger, assez loin. Puis voilà, il geint, il se replie un peu sur lui. En plus, il va donc dans le Jura s'isoler, on lui prête une maison, donc c'est quelqu'un d'assez lourd à gérer. En fait, une des idées de base, c'était qu'il était tout seul dans une grande pièce avec les cartons de ses parents. Son passé, ses cartons à lui sont présents, et les cartons des souvenirs de des jouets de ses enfants, donc son futur. Et il doit faire le tri là-dedans pour... voir comment il va réussir pour repartir à zéro. J'ai cette phrase horrible que je voulais caser dans la bande dessinée, mais que je n'ai pas réussi à caser. C'est « De 0 à 40 ans, on apprend à vivre, et à partir de 40 ans, on apprend à mourir. » La bande dessinée s'appelle « Les couloirs aériens ». Ils l'ont fabriquée à 3, Étienne Davodeau, Joube et Christophe Hermenier. Christophe et moi, on avait tendance à nourrir le récit de choses archi-négatives. C'était assez plombant. On l'aurait pendu, nous. C'est juste 2 cases. Yvan est nu, sa femme doit venir le rejoindre le lendemain. Il s'est douché, décrassé, il s'est même coupé les ongles de pied. Et puis il se regarde, devant la glace, une glace en pied. Il met une main sur sa hanche, il tente une moue décidée, sûre de lui. Le regard un peu fier, il rentre son ventre. Et puis sur la case d'après, il a lâché l'affaire. Le ventre est rond, relâché, le regard penaud, la silhouette résignée. Physiquement, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on n'est plus pareil, on change, on aura peut-être moins de chance à la séduction, ou alors on voudra peut-être encore être tenté, mais c'est plus difficile. C'est complètement idiot, hein, parce que j'ai toujours eu la chance d'avoir une belle vue et tout ça, mais mon premier signe de vieillissement, de vrai vieillissement, ça a été ça, d'être obligé de porter des lunettes, c'est-à-dire que de faire le constat que physiquement, il y a une dégénérescence. Donc il y a cette prise de conscience d'un monde qui va... évoluer et pas dans le bon sens. Trouble de l'attention. L'endormissement hyper rapide, en 2 secondes, et on a de la télévision, puis ça y est, plus personne. Avec ces fameuses siestes postprandiales. Des douleurs articulaires, des douleurs diffuses. Baisse de la mémoire. Quelquefois, il y a des hommes qui ont carrément des bouffées de chaleur. On a les signes, on va dire, sexuels. La baisse de la libido. La perte des érections matinales, ça c'est quand même assez flagrant. La sarcopénie, donc... on a une fonte musculaire. Un syndrome un petit peu, pas dépressif, disons subdépressif. Vous avez aussi la dépilation. Un tournant dans la vie, à quoi je sers. Et puis cette fameuse répartition de la graisse, donc on a plutôt une graisse viscérale qu'abdominale. C'est le signe de la bouée, c'est-à-dire qu'il y a une prise de poids au niveau abdominal chez le garçon. Il y a tout un faisceau d'arguments cliniques et biologiques qui nous font concourir au diagnostic d'andropause. Andropostongen, une sombre histoire d'hormones. Je connais le mot. Je sais que ça existe. Je dirais, à part quand vous nous avez contactés, non, jamais. Peut-être sur l'idée que sur le plan sexuel, on peut être moins ardent ou quelque chose comme ça, peut-être. Mais à part ça, non, pas plus que ça. Les hommes aussi parfois traversent un genre de ménopause, mais on appelle ça la crise de la cinquantaine, et autant que possible, on évite de parler d'hormones. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Andros homme et pause, pause. C'est pas tout à fait le même phénomène que pour les femmes, puisque... Marc Galliano, andrologue. Pour les femmes, il y a un arrêt brutal de la production d'hormones par les ovaires, alors que chez les hommes, c'est plutôt une décroissance plus ou moins rapide en fonction des individus. Et c'est un peu plus complexe que de dire qu'il n'y a plus de fabrication de testostérone. On a souvent dit l'andropause, c'est un mythe, ou c'est faux, ça n'existe pas. Chez l'homme, il n'y a pas un avant et un après. Il y a plutôt des glissements, mais il n'y a pas de véritable rupture hormonale. Lucien Chaby, andrologue. Et puis aussi, la grosse différence, c'est que le versant reproductif est conservé. Il y a toujours l'idée de l'homme, quelque chose de stable. Par exemple, en fertilité, les hommes qui ont eu des enfants, ils sont persuadés d'être fertiles toute leur vie. Ils ignorent qu'ils ont des cycles, ils ignorent qu'ils ont des hormones, ils ignorent qu'ils ont des variations. Autant chez les femmes, pour le moindre problème, on va doser les hormones féminines. Autant chez l'homme, c'est une part qui est complètement ignorée. Les hommes ont des cycles comme tous les êtres humains. On est très connectés en fait avec ce qui est notre environnement, donc à la nature. Et donc, en effet, les cycles de testostérone, les pulses que nous envoie l'hypothalamus sont contingentés par les saisons et par aussi la journée. La testostérone, en fait, elle a un double cycle, un cycle circadien, donc on a plus de testostérone le matin, et circannuel. Il y a plus de testo en automne, puis au niveau du secteur reproductif, il y a aussi des cycles. Il y a plein de cycles, sauf qu'ils ne sautent pas aux yeux. Et par exemple, s'il y a un événement stressant, le cycle s'écroule. On pourrait attribuer énormément de variations d'humeur aux hommes en fonction de leur production d'hormones. Et personne ne le fait jamais. Élise Thiébaud, autrice. On dit sans cesse à une femme qui s'exprime avec vigueur ou qui est de mauvaise humeur, « Ah, dis donc, t'aurais pas tes ragnagnas. » Mais quand un homme est en colère, personne ne songerait à lui dire « Dis donc, tu serais pas en train d'avoir un petit pic de testostérone pour fabriquer des spermatozoïdes. » Or, il y a des études qui ont cherché à démontrer que effectivement les productions hormonales des hommes avaient une implication ou des conséquences sur leur humeur qui étaient extrêmement importantes. Moi, je suis pas certaine que réduire le comportement d'un individu à ses hormones soit pertinent. Ce que je note seulement, c'est que ça, par contre, on le fait pour les femmes et on ne le fait jamais pour les hommes. Je pense qu'une grande partie de la stigmatisation, de la disqualification qui entoure les femmes au moment de la ménopause serait différente si on se penchait un peu plus sur les processus physiologiques qui concernent les hommes. Quand j'interviens dans les collèges et que je demande aux garçons, est-ce que vous savez quel est l'équivalent des ménarches, les premières règles pour les garçons? Ils disent, non, il n'y a pas d'équivalent. Je dis, si, il y a quelque chose qui s'appelle les séménarches. C'est la première fois que vous faites la carte de France ou n'importe quel autre pays la nuit, le moment où vous produisez pour la première fois des gamètes reproductifs que sont les spermatozoïdes. C'est un processus équivalent. Au XIXe siècle, on est encore dans une perspective du corps en termes d'humeur. Et puis, au XXe siècle, c'est une nouvelle perspective qui va se développer, qui est la perspective hormonale. Cécile Charlap, sociologue. Dans la perspective hormonale, on explique la ménopause comme une carence en hormones, au même titre que le diabète. Et on va proposer des traitements pour pallier la carence hormonale. C'était les premiers pas de l'endocrinologie, c'était très prometteur. Et donc, on a cherché à produire des œstrogènes par voie synthétique. Notamment, un laboratoire hollandais a réussi à en trouver dans l'urine de jument gravide. et en produire de manière industrielle. Daniel Delanoé, anthropologue. Et donc, à ce moment-là, on s'est demandé à quoi il pouvait servir. Donc, c'était un médicament à la recherche de maladies, contrairement à ce qu'on pense d'habitude, que c'est une maladie à la recherche d'un médicament. Et donc, on l'a cherché dans l'eczéma, la schizophrénie, le rhumatisme, les règles douloureuses, et finalement, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas la ménopause. Et donc là, on a très vite vu qu'il y avait un effet cancérigène chez le rat. Et là, l'industrie pharmaceutique s'est arrêtée jusqu'aux années 60, où ils se sont dit quand même, il y a un tel marché, il faut qu'on y aille, quoi. En revanche, les androgènes, donc les hormones mâles, c'est devenu une espèce d'élixir de jeunesse, de jouvence. Très vite, ça a été vu comme quelque chose de, une sorte de charlatanisme. La testostérone, historiquement, ça a été un anabolisant utilisé beaucoup par les sportifs. Ça a été beaucoup étudié par les équipes de médecins dans les pays de l'Est. Et on a très vite compris l'intérêt de la testostérone pour améliorer le potentiel musculaire et de résistance des athlètes. Arnold Schwarzenegger, 28 ans, 1m88, 108 kg. Monsieur Olympia, depuis 5 ans. On juge le corps. Le corps en fonction de sa musculosité, de sa proportion, de sa symétrie en quelque sorte, tout le truc quoi. Est-ce que votre représentation mentale propre est une sculpture ? Oui, vous avez mis le doigt dessus. Ensuite, dans les années 70-80, arrive Arnold Schwarzenegger. Et là, on est dans à la fois le culte du corps, le culte de l'homme. On retrouve l'inspiration des statues grecques, tout simplement. Donc, on replonge un petit peu dans l'historiographie de la masculinité, la virilité, où on déploie des muscles. Donc là, on est dans l'utilisation de la testostérone, on va dire, un peu ludique malgré tout. En tous les cas, ça n'arrête pas le vieillissement. Il n'y a pas de cure de jouvence à entendre de la part de la testostérone, mais en tous les cas, ça permet de mieux vieillir et de diminuer en tout cas les symptômes liés à l'hypoandrogénie. Donc l'industrie s'est restée pharmaceutique assez à distance des androgènes qui posent des problèmes pharmacologiques plus compliqués de donner des traitements androgéniques. On ne peut pas les donner sous forme de comprimés en particulier. Donc il y a moins d'investissement dans l'industrie pharmaceutique qui a été un moteur fabuleux dans la médicalisation de la ménopause. On touche directement le caractère genré de la médecine et de la recherche médicale, puisque progestérone, androgène sont produits par tous les individus. Mais en fait, l'endocrinologie, elle s'est développée sur l'idée d'une radicale dichotomie des hormones sexuelles. C'est vraiment cette idée des œstrogènes qui serait le principe de la féminité. Alors la testostérone, elle a un rôle évidemment sexuel, par exemple c'est elle qui va transformer le garçon en homme avec la pilosité, la voix qui change, la morphologie qui change, donc ça c'est le rôle sexuel. Mais en dehors du rôle sexuel, la testostérone, elle a un rôle aussi par rapport par exemple à la fonction hématologique, elle a un rôle au niveau des os, etc. Alors ce qui est compliqué avec l'hormone mâle, c'est une hormone qui agit par elle-même, mais aussi par certains messagers, donc elle va se transformer en d'autres hormones pour arriver à la cible. Par exemple, l'hormone masculine, quand elle arrive sur le tissu adipeux, elle peut se transformer en hormone féminine. On appelle ça l'aromatisation de la testostérone. Donc il n'y a pas d'un côté les femmes qui ont toutes des hormones féminines et les hommes qui ont toutes des hormones masculines. Les femmes aussi ont des hormones masculines, bien sûr, les androgènes, produisent de la testostérone. Par exemple, bon, c'est manifeste par exemple à la puberté avec les poussées d'acné, etc. La seule chose à quoi ça me fait penser finalement, c'est que les hormones sont des hormones de croissance. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, on est encore confusionné par l'idée que les hormones, encore une fois, c'est des hormones sexuelles, etc. Mais même quand c'est des hormones sexuelles qui font pousser la barbe, parce que je vais quand même pas dire que ça fait pas pousser la barbe, ça fait croître, c'est de la croissance, ça fait pousser les poils. Sam Boursier, sociologue. Voilà, donc il faudrait peut-être le voir comme ça. Et c'est un piège pour tout le monde, cette histoire d'hormones sexuelles. Bon, ben d'abord parce qu'il n'y a pas des hormones féminines, des hormones masculines. Ça a été la première découverte, entre guillemets, des endocrinologues quand ils ont essayé de dire, voilà, on va produire de manière synthétique de l'hormone féminine ou masculine. Alors, ça ne marchait pas parce qu'ils ont trouvé que dans l'urine des talons qui pensaient saturer testostérone, il y avait encore plus d'œstrogènes, etc., etc. Donc, ça ne marche pas. Même à un moment donné, ils parlaient d'hormones transsexes, c'est pour vous dire, parce qu'ils n'arrivaient pas justement à dualiser, à antagoniser les hormones en disant, voilà, il y en a qui sont dans les corps de femmes et il y en a qui sont dans les corps d'hommes. Et comment, vous, spécialiste, expliquez-vous cette peur que les individus ont de vieillir, cette course qu'il y a eu surtout chez les femmes contre le vieillissement, tous ces procédés qu'on a essayé d'utiliser pour empêcher cette espèce de dégradation de l'individu? Interactualité, 1969. La généralisation des produits anti-ovulatoires s'est accompagnée chez les personnes après 45 ans, tout au moins, c'est l'impression qu'en ont les cliniciens outre-Atlantique où le traitement est plus généralisé que chez nous, sont accompagnés de phénomènes assez curieux. Il semble qu'à partir de cet âge-là, la prise de la pilule, comme l'on dit, tendrait à reculer la ménopause, et même après la ménopause, de faire réapparaître une certaine trophicité plus juvénile des tissus, etc., etc. Donc il est fort possible, si vous voulez, que nous assistions, spécialement chez les femmes, à une course vers ces traitements, disons rajeunissants, en réalité ça ne rajeunit rien du tout, mais enfin, qui pallient une carence assez spéciale au sexe féminin. Aux États-Unis, il y a eu une médicalisation véhémente, massive et caricaturale dans les années 60 pour la promotion du traitement hormonal. Il y a trois laboratoires pharmaceutiques qui ont payé un gynécologue gériatre, Robert Wilson, pour promouvoir les œstrogènes dans le traitement de la ménopause. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Feminine Forever », qui a eu un énorme succès, qui est paru en 66, qui dresse un portrait absolument caricatural et catastrophique des femmes à la ménopause. Il a écrit un article en 63, plaidoyer pour des œstrogènes de la puberté jusqu'à la tombe. C'était pour la peau, pour tout un tas de choses, pour rester ce fameux féminine forever, dont les femmes auraient été dépossédées après la ménopause. D'ailleurs, quand on s'est aperçu qu'il y avait des effets secondaires en 1975, une épidémie de cancer l'utérus, parce que les œstrogènes étaient prescrits à l'époque sans progestatif, on savait que ça donnait des cancers l'utérus. Bon, il y a eu une épidémie, et donc les féministes américaines ont dit, bien, avec les œstrogènes, directement de la puberté à la tombe. Effectivement, on est dans les années 60, avec une représentation finalement très agiste. Pour rester femme, il faut rester jeune. Si vous regardez la couverture de Feminine Forever, son ouvrage, c'est une toute jeune femme qui doit avoir 25 ans, qui est en photo, à qui on a mis une petite perruque grise. Donc avec un regard actuel, c'est assez drôle et significatif. Hein. On a vraiment une occultation du vieillissement et du corps vieillissant féminin vieux, quoi. C'est un personnage incroyable. Il a caché à tout le monde que sa femme, qui prenait ce premier traitement hormonal, qui était tellement dangereux, est morte d'un cancer du sein. Darcy Steinke, autrice. Il était vraiment incroyablement misogyne. Je veux dire que Robert Wilson parlait des femmes ménopausées en disant qu'elles sont comme mortes, mortes avant même de mourir, comme des zombies, des sortes de cadavres ambulants. Et d'ailleurs, il y a un passage dans le livre qui était à peine croyable. Il raconte qu'un homme arrive un jour dans son cabinet. Je ne sais plus s'il vient avec un revolver ou s'il dit qu'il y en a un. Il lui dit, si vous ne réparez pas ma femme, je vais la tuer. Et ce qui est dingue, c'est que Wilson dit, eh bien, je l'ai réparée et grâce à ça, il ne l'a pas tuée. C'est-à-dire qu'il se dit même pas que ce type est décidé de tuer sa femme. Non, lui, il se dit, le problème, c'est la femme. Elle a besoin d'être réparée. Ce livre est vraiment la pire chose. Il est vraiment terrible, terrible, terrible, terrible, terriblement misogyne. For the miracles doctors perform every day, We owe them a debt we can never repay. And I just haven't words to give fitting expression to my high regard for that noble profession, which safeguards our health and especially strives to make married folks happy husbands and wives. Because of the efforts of those mental giants, sex, once an art, now is a popular science. But I must object with all due respect to the great good those doctors have done. They've warmed up the cold ones, made young ones of the old ones, but frankly, they're spoiling my fun with their vitamins, hormones, and pills. They're taking away all the thrills. And remember, we've still got an army and a navy with guys who can give you those thrills without vitamins, hormones, and pills. Alors, j'ai un petit peu de matériel documentaire. J'ai les publicités dont je parle dans mon livre. Vous voyez, celle-là notamment. Des publicités, c'est dans les années 90 pour le traitement hormonal substitutif. Et il y en avait beaucoup. Il y avait une grande promotion à l'époque. Notamment celui-là qui montre une femme plutôt jeune, de dos. On voit ses fesses et avec le patch qui est sur la fesse droite. Elle est sous la douche. Il y a toutes les mentions légales. Il y a le nom du produit. Et puis, un sous-titre, ménopause de points pour que la femme reste femme. Ce qui est dit, qu'on n'ose pas dire directement, c'est à la ménopause, la femme n'est plus une femme. Mais, grâce au traitement, elle va le rester. Si on prend ces textes au mot, être femme, c'est avoir des règles et pouvoir reproduire. Donc ça renvoie à une assignation totale des femmes à la fonction reproductive. Hier encore, face à la ménopause, on avait le sentiment de tourner le dos à la vie. Notre féminité, notre santé en prenait un sacré coup. Mais aujourd'hui, grâce à une prise en charge personnalisée, nous pouvons enfin faire face à ce changement tout en restant nous-mêmes. La ménopause, parlez-en à votre médecin. C'est dans les années 70 en France que le professeur Mevey-Jarvis, qui était un endocrinologue qui s'intéressait beaucoup aux hormones de la reproduction, il a mis au point, avec un collègue de Brest, Percovici, et ce sont eux, en fait, qui ont mis au point ce traitement hormonal percutané concernant l'estradiol, associé, bien entendu, à la progestérone. Ça, il a été très clair tout de suite, c'était pas sans progestérone. Et j'ai eu la grande chance de travailler dans son service en 76 et d'apprendre toutes les pathologies liées au déséquilibre hormonal des hormones de la reproduction. Mirabelle de Teuf, gynécologue. Ce traitement hormonal a été présenté non pas pour rester féminine forever, mais pour essayer de garder une autonomie physique et intellectuelle le plus longtemps possible. Et c'était ça ce que cherchaient les femmes. Et donc, Mevey-Jarvis a devancé la demande de cette population qui arrivait à 45-50 ans dans les années 75. Donc elles en avaient bavé parce qu'il n'y avait pas de contraception, elles en avaient bavé parce qu'il n'y avait pas d'avortement légal. Et là, enfin, elles avaient quelque chose qui était pour elles. Beaucoup d'études publiées épidémiologiques montraient que ce traitement diminuait le risque vasculaire. Or, la première cause de mortalité chez les femmes, c'est les pathologies cardiovasculaires, c'est pas le cancer du sein. Donc il y avait une petite augmentation de risque de cancer du sein, mais c'était bon pour l'infarctus du myocarde, c'était bon pour la densité osseuse, donc le risque de fracture, et c'était bon parce que ça traitait les bouffées de chaleur et le syndrome climatérique. Geneviève Plubureau, gynécologue. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu un grand essor de la prescription des traitements, parce qu'il y avait vraiment le côté coût-bénéfice, c'est-à-dire que potentiellement on gagnait des années de vie parce que ça diminuait le risque vasculaire. Et puis patatrac, 2002, des essais randomisés, donc pas des essais d'observation, mais des essais randomisés, qui montraient que le risque vasculaire, c'était pas aussi bénéfique que ça. Et donc là, hop, rechute de prescription du traitement. Et ce qui est montré actuellement, c'est que quand on traite plutôt dans une fenêtre d'intervention proche de l'âge de la ménopause, on gagne probablement et on diminue effectivement le risque d'infarctus. C'est pour ça qu'on revoit un petit essor d'utilisation du traitement chez des femmes qui sont symptomatiques et qui ont vraiment besoin de ce traitement parce qu'elles ont des bouffées de chaleur très invalidantes. Dans les années 90-94, les médias et certains laboratoires pharmaceutiques ont vraiment pousser les médecins et les femmes à prescrire le traitement, presque en les obligeant à le faire, au nom de rester jeune de nouveau pour toujours, de rester désirable. Et là, il y a eu, je dirais que c'est là où il y a eu presque une réaction féministe de beaucoup de Nord-Américaines d'ailleurs, et de Françaises, de certaines Françaises, qui ont dit « Mais attendez, moi, j'ai pas besoin de ce traitement, j'ai pas beaucoup de bouffées de chaleur, je me sens bien, je voudrais l'arrêter. » Et le médecin leur disant « Mais vous faites une erreur, vous faites une grossière erreur. » Et j'ai vu comme ça quelques patientes venir me consulter en me disant « Écoutez, est-ce que je peux arrêter ce foutu traitement ?» Et je leur disais « Mais évidemment !» Je veux dire, c'est pas pour ça que vous allez vieillir en un mois brutalement de 10 ans. Ça, évidemment que vous pouvez l'arrêter. Voilà, on n'a pas besoin de faire ce traitement hormonal, de vous obliger à le faire pour que vous restiez de nouveau un objet simplement de désir des conjoints. Most every place you go today, young folks dance a different way. The mambo now is all the rage, but it wasn't invented for gals my age. Ba-bow! I learned the Charleston years ago. I kicked my heels up high and low. But mamba has a different basis, and I can't wiggle in all the places. Now if this kind of trouble bothers you, here's an easy mambo you can do. Just sit back, don't even stand. All you do is raise one hand, wriggle your fingers to and fro. That's the middle-aged mambo. Mais alors, comment est-ce que les féministes autour de vous considéraient la ménopause à l'époque, Daniel Delannoy? Mais écoutez, ils ne la considéraient pas. Mais il y avait très, très peu de choses. Il y avait des médecins psychosomaticiens, la Société française de gynécologie et d'obstétrique psychosomatique, où il y avait des femmes et des hommes féministes, des gens qui venaient du planning familial, Michel Lasowski, Irène Botan-Crévin, Diane Vinaver, entre autres, qui réfléchissaient beaucoup à la ménopause d'un point de vue de médecin engagé, un peu militant. Mais des féministes en dehors du secteur médical, il n'y avait quasiment rien. Et comment ça vous est venu de travailler sur la ménopause? Je pense que le fait que j'étais médecin a joué. J'ai aussi, dans les années 75-80, milité dans des groupes pour la prolongation de la loi Veil, sur la liberté de l'interruption volontaire de grossesse et de la contraception. Donc j'avais une implication féministe. Je travaillais sur la contraception masculine, hormonale aussi. Donc j'ai fait ma thèse sur la contraception masculine. Donc toutes ces questions m'intéressaient sur le plan biologique et déjà sur le plan social. Donc c'était un prolongement de ces engagements-là. Les féministes demandaient une bonne médicalisation, que quand on souffre de bouffées de chaleur, on puisse trouver un médecin compréhensif, ce qui a été le cas un petit peu à partir des années 70, avec notamment le diplôme de gynécologie médicale qui a permis à des femmes, toute une génération de femmes médecins, de se former sans être obstétriciennes et qui ont pu faire de la contraception, des IVG, du traitement de la ménopause, de l'accompagnement. Il y avait une demande d'une bonne médecine. J'ai tâtonné un peu au départ, j'ai fait un peu de pédiatrie. Lucien Chaby. Je fais des remplacements à la campagne où il y avait à l'époque, les généralistes faisaient aussi des accouchements. Et là, j'ai pris peur. Je me suis dit, mais tu connais rien en obstétrique, tu connais rien, tout ça. Il faut quand même que tu te formes mieux. Et après, les accouchements m'ont moins intéressé. Mais il y avait le gros testeur de la gynécologie médicale, ça a été la contraception. Il y avait la loi Neuwirth qui venait de sortir, etc. Ça, c'était nouveau, excitant. Donc, j'ai milité au mouvement pour le planning familial. On allait dans les lycées, on allait un peu partout. On parlait de sexualité, etc. Moi, au départ, je n'avais pas compris, quand je me suis retrouvé en gynéco, d'abord, je me suis retrouvé un peu seul, parce que j'ai vu qu'il y avait une majorité de filles dans la promotion, et qu'il y avait que 3 ou 4 garçons. Je n'avais pas compris que ça ne s'intéressait pas à tout le monde, quoi. Moi, j'étais persuadé que la gynécologie, ça s'adressait aussi aux problèmes génitaux masculins aussi. Pour moi, c'était une évidence. Il n'y avait pas d'un côté les problèmes génitaux féminins et masculins. Pour moi, c'était un tout. Et puis, j'ai commencé surtout à m'occuper d'infertilité masculine. Il y a eu... c'était vraiment un médecin français, il s'appelait le professeur Harvis, qui a fondé l'enseignement en andrologie. Il a essayé de montrer qu'il y avait un vaste domaine qui ne relevait pas de la chirurgie, parce qu'en général, c'était plutôt les urologues qui s'occupaient des hommes. Donc il a sorti un enseignement, un diplôme d'université, et puis peu à peu, ça a gagné. Mais ça reste des diplômes d'université, il n'y a pas de diplôme d'état d'andrologue. Ça n'a pas eu beaucoup de succès. Je ne sais pas très bien pourquoi, soit parce qu'il y avait les urologues qui ne voulaient pas... Ils pensaient que c'était leur domaine, bon. Soit parce que... Peut-être le mot andrologue est peut-être mal choisi, déjà, ou... Parce que ça n'évoque rien. Si vous dites à quelqu'un dans la rue, l'andrologie, peut-être ils vont jamais savoir ce que c'est. Même les médecins ne savent pas trop ce que c'est. Ménopause, andropause, c'est facile à retenir. Ça le mérite au moins d'être facilement compréhensible par le grand public. Mais en effet, il n'y a pas de pause. Marc Galliano. C'est une dégradation lente. Donc c'est pour ça que nous, on appelle ça le déficit androgénique lié à l'âge. Donc l'acronyme, c'est DALA. C'est exotique aussi, c'est facile à retenir. Mais en tout cas, pour le grand public, le DALA, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors qu'andropause, c'est plutôt simple à retenir. Maintenant, dans le public, si on a des masculinistes tout puissants qui veulent trouver un autre mot, pourquoi pas? Mais globalement, il faut rester simple. Andropause, c'est un peu le pendant de ménopause, comme l'andrologue, c'est le pendant du gynécologue. Lucien Chaby, comment est-ce que vous êtes tombé sur cette notion d'andropause la première fois? Pour la première fois, on avait créé un centre de ménopause dans une mutuelle. Et là, c'était extraordinaire. On avait des locaux, on avait des secrétaires, on avait plusieurs spécialistes. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas les hommes? Donc, j'ai ouvert une consultation d'andrologie dans le centre de ménopause. Je commençais à faire des dosages hormonaux. Parce que le gros problème, c'était de savoir qui avait une baisse de l'hormone mâle. Je crois que jusqu'à maintenant, ce n'est pas tout à fait résolu. On a fait des centaines de milliers de dosages. Alors, la mutuelle était relativement riche, donc elle nous payait tout ce qu'on voulait. Où situer le seuil de la baisse hormonale? Comment relier cette baisse hormonale à des symptômes cliniques? Comment relier cette baisse hormonale à des symptômes physiques? Et surtout de montrer que la fonction hormonale chez l'homme était sous-diagnostiquée, sous-évaluée et ignorée. Il y a donc un âge critique non seulement pour la femme, mais également pour l'homme. Médecine sans frontières, 1968. On n'insiste pas assez là-dessus généralement. Quand on parle d'âge critique, on pense toujours à une femme qui est en proie à 1000 maux, mais on ne pense pas que son compagnon peut souffrir autant et plus qu'elle. La crise chez l'homme est généralement moins physiologique et plus psychologique, mais elle n'en est pas moins intense. L'homme, à cet âge-là, fait une sorte de bilan de son existence, mettant d'un côté ce qu'il avait entrevu quand il était jeune, et puis d'un autre côté ce qu'il a réalisé. Évidemment, ce bilan n'est pas toujours très satisfaisant, alors il devient mélancolique. Personnellement, la cinquantaine arrivante, là, elle ne me plaisait pas beaucoup. Autour de nous, il y avait soit des gens qui perdaient leur boulot, leurs parents, des problèmes de couple qui apparaissaient. Moi, j'étais quelqu'un d'assez sûr de moi, assez fonceur, assez dynamique, assez partageur, tout ça. Et pendant 2-3 ans ou 4 ans, tout a été à l'inverse. J'avais plus confiance en moi, j'avais plus d'énergie, j'avais pas envie de travailler, je voyais plus du tout pourquoi, pour qui, comment je pouvais avancer, quoi. En l'espace d'un an, j'ai perdu mes deux parents, j'ai perdu mon boulot et j'ai eu 50 ans. Donc ça a fait quand même 4 coups de massue d'un coup qui ont été assez difficiles à vivre ou au moins difficiles à supporter. Et c'est la surprise de me réveiller un jour en me disant « Ah mais oui, ça y est, c'est fini, Je pense que la cinquantaine, c'est un peu une mutation, c'est une deuxième adolescence. On quitte une période et on en absorbe une autre qu'on ne connaît pas bien. Et il va falloir y aller de toute façon. Il y a une case à mi-parcours de la bande dessinée où Yvan, en pleine nuit, va prendre l'air sur le seuil de la maison qu'on lui a prêtée, dans le Jura. Il est en t-shirt et en caleçon, il fait face à la vallée, totalement enneigée, il se frotte les mains, il est piqué par le froid, et puis il regarde vers le ciel noir, et il crie qu'il est toujours là. Et la buée lui sort de la bouche, et là, un courant d'air claque la porte et l'enferme dehors dans la nuit glaciale. When I was a young man courting the girls, I played me a waiting game. If a maid refused me with tossing curls, I let the old earth take a couple of whirls. And this time came around as she came my way. As time came around, she came. Peu importe l'âge, en fait, ce qui compte, c'est surtout la clinique. Que ça soit les fonctions sexuelles, comme la baisse de la libido, la baisse des érections, en tout cas la disparition des érections nocturnes et l'érection matinale. Il peut y avoir aussi des troubles de l'humeur, une sensation de fatigue, une diminution de la force musculaire, une ostéoporose qui peut être plus présente. Donc en fait, c'est surtout ce qui va nous faire suspecter une diminution de la production d'androgènes par l'homme, ce sont des signes cliniques. Mais alors en fait, Marc Galliano, les symptômes de l'andropause, ils sont très proches des symptômes de la ménopause. Bah tout à fait, donc les troubles de l'humeur, on peut avoir des bouffées de chaleur, on peut avoir donc une baisse du désir. Donc en effet, au niveau clinique, les symptômes se croisent et bien souvent on a une image en miroir de ce qui se passe aussi chez les femmes. Aujourd'hui, lorsque nous avons des patients qui souffrent de symptômes d'hypoandrogénie associés à une preuve biologique d'hypoandrogénie, on peut supplémenter les patients en testostérone. Donc il y a différents modes d'application, soit du gel, qu'on fait passer à travers la peau tous les matins, et les injections. À partir de 60 ans, 20% des hommes présentent des signes d'hypoandrogénie. Maintenant, dans mon expérience, j'ai des patients qui, dès 45 ans, souffrent de symptômes et d'une hypoandrogénie. Mais étant donné que les hommes se connaissent tellement peu leur anatomie, donc penser à des problèmes d'andropause, je pense que c'est à des années-lumière du commun des hommes. Oh, it's a long, long time from May to December. But the days grow short when you reach September. Et puis c'est la cinquantaine, c'est aussi ce qu'on essaie d'aborder aussi dans la bande dessinée, c'est que c'est l'âge aussi où les enfants quittent le nid. On est là, pendant 20 ans, on s'est occupé de nos enfants. Et on se retrouve tout seul dans la maison, on ne se souvient plus de ce qu'on faisait avant pour occuper nos journées, il faut un peu reconstruire tout. Moi, ce qui m'a manqué à un moment, c'est de ne plus avoir un miroir. Je fais les choses, ma femme, elle travaille toujours beaucoup, donc elle n'a pas beaucoup de temps à se consacrer à ce que je fais moi, à me donner son avis. Donc je me suis beaucoup investi sur les enfants, à faire des choses avec eux, des photos, des films, des dessins, etc. Et c'est vrai que quand ils sont partis, je me suis retrouvé un peu tout seul. J'avais plus de miroir en face de qui me retrouver, de partager des choses. La motivation est complètement partie. Une fois que voilà, on se retrouve tout seul chez soi et que les enfants sont partis, ah ben on regarde la montre et puis on se dit ah ben merde, j'ai 50 ans là, ça y est. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre maintenant? Je vais peut-être essayer de m'inscrire dans un club de sport. Ah ouais, je suis plus tellement en forme. C'est-à-dire qu'on se réveille. En fait, c'est surtout, moi je pense que c'est une vraie prise de conscience à un moment donné, en se disant, ça y est, on fait partie des nouveaux vieux, et va falloir vivre un peu autrement ou penser autrement. Je ne me suis pas beaucoup posé de questions jusqu'à cette période-là sur quel était le sens de ma vie, qu'est-ce que j'étais, qu'est-ce que... Voilà, c'est rigolo que ça soit arrivé un peu en paquet là, d'un coup. Le terme anthropose apparaît au début des années 1950 dans le milieu médical et, autant qu'ils m'en souviennent, dans un manuel de psychiatrie. Mais il faudra attendre une bonne trentaine d'années avant qu'il ne trouve sa place dans le vocabulaire courant et qu'il figure dans un dictionnaire. Véronique Moulinier, anthropologue. Le terme ménopause lui-même apparaît dans les années 1820. Donc on voit qu'il y a 120 ans de décalage entre ménopause et andropause quant à l'utilisation du terme et à l'invention du terme lui-même. La notion d'andropause se construit en miroir par rapport à celle de ménopause. En tout cas, dès le début dans les écrits, on parle de ménopause masculine. Virginie Vinel, sociologue, anthropologue. Et les auteurs vont comparer les symptômes de l'andropause aux symptômes de la ménopause. Un des éléments importants, c'est qu'on a assez peu étudié le corps masculin. Alors déjà, parce que c'est un corps pensé depuis l'Antiquité, hein, comme un corps qui ne pose pas de problème, qui n'est pas morbide, qui n'a pas de difficultés, et particulièrement du côté de la fonction reproductive et du côté aussi des performances sexuelles. L'idée que les hommes auraient des difficultés sexuelles ou procréatives n'est pas pensée justement avant le milieu du XXe siècle, quoi. Cette façon de construire ce corps masculin sur le modèle du corps féminin, notamment en liaison avec les mouvements du sang, mouvements au cours de la vie, mais mouvements aussi au cours des mois. Et les femmes le disaient très bien. Elles disaient, mais si nous, ça se passe comme ça, eux aussi, bien sûr, mais eux, ils le disent pas. Et on voit très bien comment l'invention, je dirais presque médicale, de l'andropause s'articule avec la représentation des femmes sur le corps masculin. Et ce retour d'âge pour les hommes se traduisait par une cohorte de mots divers et variés, tous également liés à la question du sang. Les plus âgés évoquaient par exemple les fameux coups de sang. Et comment soignait-on les coups de sang? Il fallait procéder à une petite saignée. Il y avait aussi les infractus. Alors, on peut dire qu'il y a là une façon de mal prononcer le mot infarctus. Or, le mot infractus rend bien compte de cette fracture qui constitue la maladie, à savoir que une veine se fracture, une aorte se fracture, ou tout simplement le cœur, c'est-à-dire c'est une rupture brusque. Ce qui me semble intéressant sur l'andropause quand on se pose la question, c'est l'écart de visibilité qu'il y a entre la ménopause et l'andropause. Louis Breverman, sociologue. La première thèse soutenue en France, voilà, qui possède le mot andropause dans son titre, date de 1988, qui s'intitule « Andropause, mythe ou réalité ». Et depuis, seulement 6 autres thèses ont porté sur l'andropause. En comparaison, 397 thèses avec le mot ménopause dans le titre ont été soutenues depuis 1843. Et les études qui prennent pour objet l'expérience de l'andropause sont particulièrement rares. Pour moi, l'andropause fait figure de cas exemplaire pour illustrer la médicalisation du corps des hommes. Et en parallèle, un certain nombre de conditions n'étaient jusqu'à récemment pas réunies pour qu'émerge la notion d'andropause. Il faut citer notamment la plus grande difficulté de production, du moins à l'origine, de testostérone. Une deuxième raison, c'est qu'il faut attendre les années 60 pour que s'institutionnalise et se naisse l'andrologie en tant que spécialité. C'est un facteur vraiment important puisqu'il faut des institutions médicales, des réseaux professionnels dédiés aux pathologies masculines pour qu'émerge une catégorie comme l'andropause. On comprend alors que sans patient qui verbalise la plainte, sans institution médicale qui relaie cette catégorie d'andropause, on a du mal à diffuser justement cette nouvelle médicalisation du corps vieillissant. J'ai essayé de mener des entretiens avec des hommes. Je dis bien essayé parce que ces entretiens s'avérèrent extrêmement difficiles à mener, pour ne pas dire qu'ils furent un fiasco. Très vite, je me suis aperçue que les hommes n'avaient pas de savoir construit autour des maladies qui sont supposées affecter leur corps, la cinquantaine ou la soixantaine venue. Et pour le dire autrement, lorsque je rencontrais, imaginons, j'allais chez un couple, je faisais un entretien avec monsieur, et madame n'était jamais très très très loin, comme si elle savait qu'à un moment ou un autre, on allait avoir besoin d'elle, et les choses se passaient ainsi. Après une description assez rapide de la maladie qui les affectait, et puis aussi, après avoir dit, ben non, je sais pas trop d'où ça vient, je sais pas trop, pourquoi ça se passe comme ça, je sais pas trop, assez rapidement, soit ils faisaient appel à leurs épouses, soit elles s'immisçaient dans les conversations pour reprendre le fil du discours et expliquer d'où cela venait, pourquoi cela se passait comme ça, etc. Et ce schéma, qui peut paraître un peu caricatural, présenté tel qu'il est là, était assez fréquent. Aux hommes, le vécu de la maladie, aux femmes, le discours sur la maladie. Il suffit par exemple de regarder la presse féminine, comme Maxi ou comme Top Santé, et l'on voit se multiplient les articles qui font injonction aux femmes de surveiller le corps de leurs hommes. Les femmes sont devenues les gardiennes de la santé des membres de la famille. Des enfants, elles l'ont toujours été, bien sûr, mais désormais c'est aussi du corps des hommes qu'elles doivent se soucier et qu'elles doivent surveiller. Tu sais, tu devrais te faire suivre, tu sais, tu devrais aller consulter. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui poussent les hommes à soumettre leur corps au regard médical. L'enjeu, c'est la maîtrise des corps vieillissants et aussi de la sexualité des personnes vieillissantes. Il est certain que quand on vieillit, la sexualité est quand même plus calme, plus tranquille, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Docteur Simon. Je veux ajouter à ce que vient de dire fort opportunément M. Netter, qu'il y a un autre encore aspect qui intervient dans l'andropause, c'est la capacité de séduire. Et 1976, finalement, Interactualité. On a remarqué que l'homme conserve une certaine aptitude à la sexualité au fur et à mesure où il conserve la capacité de séduire. Et c'est ce qui, dans le troisième âge, au point de vue thérapeutique, pose un problème. La sexualité de l'homme du troisième âge intervient avec beaucoup de difficultés le jour où il perd sa compagne de toujours, parce que jusqu'alors, il avait cette possibilité d'avoir une sexualité pour laquelle il n'avait plus de conquête à opérer, alors que lorsqu'il se trouve tout à coup seul, il n'a plus la possibilité de séduire, et ceci a fait l'objet d'ailleurs de fort nombreux travaux, puisqu'on a vu que, quel que fût le taux d'hormones encore circulant dans l'organisme, malheureusement, les aptitudes physiques ne suivaient pas. Disons que andropause et ménopause ne sont aujourd'hui plus synonymes d'abstinence sexuelle, d'arrêt de la sexualité. Ce serait quelque chose qui serait même totalement impossible à imaginer. Et d'ailleurs, la presse féminine, mais aussi les romans, enfin tous les médias, poussent et affirment que la sexualité est toujours possible, elle est bénéfique, elle est toujours présente, etc. Mais attention, ce n'est pas une sexualité libre. C'est une sexualité qui se doit d'être placée sous le regard du caducée. La ménopause, elle concerne l'arrêt de la fonction de reproduction. A priori, elle ne touche pas à la sexualité. Alors que l'andropause, le premier symptôme, c'est justement la dysfonction érectile. Donc ça touche à la sexualité. Ce qui fait que c'est quand même vraiment le tabou que les hommes pourraient avoir à un moment donné des difficultés à avoir une sexualité qui entraîne un coït, qui demande une érection. Pour moi, c'est que ça correspond à cette masculinité hégémonique, c'est-à-dire qu'il y a les hommes sont censés correspondre à cette masculinité, un certain virilisme, une certaine puissance, et particulièrement puissance sexuelle. Donc là, ça touche vraiment, à mon avis, à un tabou très fort, et c'est pour ça que l'andropause reste quelque chose d'assez invisible. C'est l'imaginaire de Charlie Chaplin qui a eu des enfants, je ne sais plus, à 70 ans, Yves Montand, etc. Donc il y a vraiment un imaginaire de l'homme puissant sexuel jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est très, très ancré. Hein. Je crois que ça va mettre du temps à bouger, ça. Imaginez tous ces hommes qui, eux, à partir de 40, 45, 50, 60, je ne sais pas, ça dépend, c'est variable, ont des difficultés. Eh bien, en fait, comme il y a une injonction à être puissant sexuellement, eh bien, ils vont avoir des difficultés, bien sûr, à l'exprimer. Aller voir un médecin et dire « voilà, j'ai des difficultés dans mes relations amoureuses et sexuelles », c'est très compliqué, hein. Bien, il faudrait que ce soit les hommes, en fait, qui fassent cette démarche à dire, mais ces hommes qui se sentent moins en puissance, justement, à dire, bah oui, nous aussi, on a des difficultés, nous aussi, notre corps vieillit et il se transforme, donc est-ce que vous pouvez prendre en compte notre corps? Or, il me semble pas qu'il y ait cette demande sociale masculine qui soit extrêmement présente, vous voyez? Aussi remettre dans un contexte plus récent où il y a le passage de l'impuissance à la dysfonction érectile et l'avènement du Viagra qui participe à médicaliser largement le corps des hommes vieillissants. Il y a aussi l'émergence et le développement de cette idée de bien vieillir qui est une norme qui pèse aussi sur les corps vieillissants. Mais la sexualité a été intégrée parmi les dimensions du bien vieillir. Et en ce sens, les laboratoires pharmaceutiques ont vraiment pesé pour faire de la sexualité au grand âge une nouvelle norme qui pesait finalement sur les hommes. Il y a aussi probablement pour la santé des hommes quelque chose qu'il serait important de davantage creuser autour de la question de l'andropause au lieu de les gaver de Viagra. Élise Thiébaut. Tout ça suppose que derrière tout ça, en fait, la sexualité, c'est une performance. C'est quelque chose qu'on performe. Et que, par exemple, si la pénétration n'est plus au centre, eh bien, il n'y a plus. C'est considéré comme une perte et non pas comme la possibilité de découvrir ou d'explorer une autre forme de sexualité ou de sensualité. Et ça, on y arrivera probablement si on reconnaît qu'il y a aussi des transformations physiologiques, psychiques, spirituelles qui arrivent aux hommes et qu'on le considère sur un plan d'une certaine manière politique. Même si on a encore les mêmes ambitions et les mêmes rêves d'enfants ou d'adolescents, on n'a plus les moyens de les réaliser. L'autre jour, là, on a des moutons, il faisait pas beau, les moutons étaient dehors et ils regardaient par terre avec un regard vide et tout. Et on était en train de prendre l'apéro dehors, on se disait, on est presque dans ce même état, cet instant, le regard vide, et puis de plus savoir ce qu'on veut faire. Donc c'était assez pathétique. Puis là, je me dis, je suis vieux, mais dans 10 ans, je me dirais, oh, que c'était le bon temps quand j'avais 10 ans de moins. C'est toujours ça. Merci à Joub, Christophe Hermenier, Lucien Chaby, Daniel Delanoë, Sam Boursier, Virginie Vinel, Élise Thiébaut, Louis Breverman, Darcy Steinke, Véronique Moulinier, Marc Galliano, Cécile Charlap, Mirabelle Deteuf et Geneviève Plubureau. Mixage Philippe Mercher. Merci à Vali qui fait la voix de Darcy Steinke. Andropause Tungen, une sombre histoire d'hormones, un documentaire de Perrine Kervran réalisé par Annabelle Brouard. Thank you.